por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. En nombre de la igualdad y todo lo demás. Los indígenas viviremos eternamente. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada. Una noche en Latinoamérica, un programa de la Asociación Unidos para Torre Latino y Radio Campus 106.6 FM. Rares sont les plantes qui ont autant modifié les habitudes de l'espèce humaine. Le fruit de celle-ci est consommé aujourd'hui aux quatre coins de la planète par la grande majorité des populations et des cultures qui l'habitent. Au-delà des légendes sur la découverte de cet arbuste aux propriétés psychotropes, des fouilles archéologiques ont prouvé que, dès la préhistoire, des populations originaires du sud-ouest de l'Éthiopie utilisaient déjà cette plante pour la préparation de breuvages et de plats. Du berceau de l'humanité aux confins des régions tropicales, en passant par les pays d'Orient et les terres parfois plus industrialisées de notre terre, la graine de cet arbuste a parfois déchaîné les passions, était l'objet de révolutions manquées ou inspiré un bon nombre d'auteurs. Vous l'aimez noisette, américain, serré, chaussette, italien, d'Éthiopie ou du Honduras, sucré ou peut-être avec un nuage de lait, amer, fruité ou enrobé de chocolat, à la machine à café ou accompagné d'une cigarette, le matin, après manger ou peut-être la nuit. Vous ne l'aimez peut-être pas, mais il ne vous est pas indifférent. Aujourd'hui, Una Noche en Latinoamérica vous propose un voyage dans l'univers du café. Découvrons comment il est arrivé en Amérique latine, mais surtout comment, aujourd'hui, des producteurs tentent de valoriser cet or vert qu'ils chérissent tant, notamment à travers des initiatives agricoles ou de commercialisation. Installez-vous, sans oublier de vous servir une bonne tasse de café chaud, tout en sentant l'arôme qui s'en dégage. Fermez les yeux un instant et laissez-vous porter. Nous vous emmenons au cœur du Eje Cafetero colombien, dans le département du Quindío, et plus précisément dans la finca El Refugio, où est produit le café Anarquista. On y cultive un café dit « naturel », dans le respect des traditions et des origines de la plante, malgré les contraintes imposées par la Fédération Nationale de Caféiculteurs. Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino. Para Radio Campus 106.6. Hola, saludo muy cordial para todos los que me escuchan. Mi nombre es Juan Felipe Herrera González. Vivo en Calarcá, es un municipio del Eje Cafetero, nuestra región en Colombia. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je m'appelle Juan Felipe Herrera González. Je vis à Calarcá, une municipalité de l'Axe du Café, une région de Colombie. Eh bien, j'ai été très impressionné quand j'ai appris l'histoire du café, son origine en Afrique et son évolution dans le monde arabe, et sa consommation partout sur la planète, ainsi que toutes les évolutions qu'il a connues à des époques différentes. Lorsque j'ai appris que le café était arrivé en Colombie, comment son processus post-récolte axé sur le lavage du grain, ce qui est traditionnel ici, était appliqué, j'ai voulu réagir. En Colombie, il y a beaucoup d'eau, et un pacte a été conclu entre la Fédération des producteurs de café de Colombie et le gouvernement ou la Fédération de café associée des États-Unis. Ils ont conclu un accord pour envoyer ce café de Colombie avec un bonus qui était de supprimer la pulpe du café et de laver ce dernier. C'est ainsi que le café colombien s'est fait connaître avec une saveur particulière car il est lavé, ce qu'il ne pouvait pas faire en Afrique car il n'y avait pas autant d'eau ni de machines pour dissocier la pulpe du grain. C'est d'ailleurs de là-bas que vient le café dit « naturel ». Comme en Colombie ou dans la région des Andes, il y avait beaucoup d'eau, ils se sont dit « lavons le café » et cela a normalisé un peu le produit. Quand j'ai personnellement appris le processus naturel de l'Afrique, je suis tombé amoureux de la qualité et parce que le café n'a pas besoin d'être lavé, il consomme donc beaucoup moins d'eau. Le résidu d'eau a moins d'impact pour l'environnement, pour les cours d'eau. Nous profitons des saveurs naturelles du café pour le laisser sans amande. C'est la spécialité à laquelle je me consacre, et c'est pourquoi elle est contre la politique nationale du café ici. Nous avons appelé ce concept le café anarchiste. De la variété que nous semons à la post-récolte, mais aussi lors de la culture, nous n'appliquons aucun herbicide ou insecticide, ou de produits qui contamineraient la terre ou les animaux. Et nous pouvons également réduire la consommation d'eau lors des étapes post-récolte, pour la conserver pour d'autres usages. L'idée est également de ne pas contaminer l'eau. Avec ce procédé, la tasse de café est parfumée aux fruits, comme le raisin. Le café est légèrement fermenté et ressemble à du vin. Il est donc très agréable de boire ce café naturel. La pulpe naturelle préserve également les saveurs. Le café étant fermenté, il se retrouve avec de délicieuses saveurs à la fois acides et sucrées. Le département du Quindío, situé au centre de la Colombie, fait donc partie de ce qu'on appelle le Eje Cafetero, cette région réputée pour être la zone la plus productrice du café du pays. La vie y est paisible, le climat particulièrement adapté et l'altitude idéale pour la culture de l'arbuste. Juan Felipe gère une exploitation familiale héritée de son père, et lorsqu'il s'intéressa au café et ses origines, mais également aux politiques nationales appliquées pour la culture de celui-ci, il décida donc de revenir à un mode plus traditionnel de production, axé sur le respect de la terre et des méthodes africaines. Au cours des dernières décennies, la culture du café s'est développée dans cette zone productrice, parfois au détriment de l'environnement. Il y a un impact ambiental, et nous, avec la politique traditionnelle cafetière de lavar le café, de la fédération et les comités nationaux de cafeteros, il y a bien sûr un impact environnemental avec cette politique traditionnelle de lavage du café. La fédération et les comités nationaux de caféiculteurs conseillaient de vider l'eau qui servait à laver le café dans les sols ou dans les ruisseaux. Cela transportait une charge élevée de liquides polluants qui endommageaient l'écosystème des rivières, des ruisseaux et de tous les cours d'eau. El Quindío possède des páramos et de nombreux cours d'eau qui alimentent d'autres rivières. En Colombie, et dans le Eje Cafetero, nous lavons le café depuis plus de 100 ans. Cela a des impacts, non seulement sur l'eau, mais aussi sur les paysages. Il s'avère qu'une partie de la politique du café consistait à dire aux producteurs que le café y est planté en plein soleil, sans ombre, et avec le plus de lumière du soleil possible, produira plus de café. Oui, c'est vrai, cela produit plus de café. Ils se sont mis à produire des hybrides de café entre l'Arabica et le Robusta pour qu'ils résistent à la Roya et qu'ils produisent plus de café. Telle est la politique des 4 ou 5 dernières décennies. À cette époque, j'ai reçu la ferme sans arbres. Elle produisait en monoculture car c'était la technique qui était appliquée et celle que mon père appliquait. Celle que tous les caféiculteurs de la région suivaient et suivent encore aujourd'hui. L'idée n'est donc pas seulement de ne pas laver à l'eau, mais également de développer des variétés de café traditionnelles, comme le houbourbon ou le café typique, qui ont été les premiers arbres arrivés en Colombie. Ces arbres résistent à la roya et ont besoin d'ombre. La roya est un champignon qui tue la feuille, mais si l'arbre a une bonne lumière, une bonne ombre et une bonne nutrition, ou si les sols sont bons, cela peut s'avérer difficile, mais pas impossible à cultiver. Nous pouvons contrôler la culture avec des produits biologiques, avec une gestion écologique. Sa structure, appelée café anarchista, café anarchiste, tente non sans mal de remettre le café naturel au cœur du marché. D'abord localement, en tentant de fédérer les producteurs aux alentours pour une culture raisonnée, mais comme il nous l'explique, l'immense majorité des consommateurs en Colombie a des habitudes autres. On pourrait croire que le café est un produit de consommation populaire depuis de nombreuses années en Colombie. Mais ce n'est pas le cas. Le meilleur café a longtemps été consacré à l'exportation, pour la consommation en Europe ou aux États-Unis. L'initiative de Juan Felipe, d'abord locale donc, est un travail sur le long terme. Modifier les habitudes de consommation locale ou initier le changement autour d'un mode de production raisonné ne fait parfois pas l'unanimité. se llama anarquista, pues porque, como bien se define ahí, va en contra de las políticas en el sector agrícola. On l'appelle anarchiste También parce que cela va à l'encontre des politiques du secteur agricole, agricole et aussi des politiques politique environnementales ambientale en ou qui Colombie, favorisent la détérioration de tratando de l'environnement en hacer un Colombie. cambio, Nous essayons d'initier un empezar un changement, proceso d'enclencher un processus en el grâce cual auquel, podamos, dans quelques en années, unos nous pourrons años, voir des progrès et tener aider un peu avances l'environnement, y ayudar avoir un un poco impact al medio ambiente, positif et continuer à boire du impactar de café. manera positiva y que podamos seguir tomando café. El 90% de las personas en mi ciudad y en Colombia toman el café con azúcar. 90% de la Yo creo que population en igualmente Colombie en boit este le en el café mundo. avec du sucre, et je pense Entonces, que c'est pareil cambiar dans tout le eso monde. no es fácil, Ces habitudes ne sont pas pero simples à changer, mais j'ai yo creo décidé de que lo que lancer un hace pilote à la falta ferme pour es apprendre en faisant. hacer pruebas, ensayo y error. Y ahí fue que empezamos a C'est sacar alors qu'on café, a este año commencé à empezamos a produire et à probarlo, tester des a cafés, à mandar envoyer des muestras hasta ver échantillons et pruebas qu'ils ont été aceptées. acceptés. Y hubo un momento en que ya con el café de la finca no me alcanzaba, entonces empecé a comprarle café a los vecinos. Y Lorsque la a production todos sur les ma vecinos ferme les n'était plus daba su suffisante, parte, j'ai commencé à acheter le café à des voisins. J'ai invité tout le monde à como me se rejoindre, sabe, mais il y a une hay mauvaise image du mot mala anarquista, qui imagen fait tal vez allusion au de la désordre, au palabra chaos ou à anarquista. quelque chose d'illégal. Piensan que es desorden o caos o algo ilegal. Entonces, en ese punto nos tocó, primero soy comprador de café y comercializo café, D'abord, je suis entonces acheteur et veo a revendeur quién de están café, vendiendo, a donc qué je leur demande precio, toujours leur y prix, à combien ils ofrezco vendent leur más café, dinero et je por leur el propose plus d'argent pour leur café, café mais du coup, je y espero l'achète au entonces moment de lo la compro récolte, encore sur en el l'arbre. momento que está en la cosecha, en la cereza, en el árbol. Lo cosechamos y lo empezamos a procesar desde ahí, Nous le sin cueillons et nous le lavarlo, séchons sans le laver à la ferme de en mon acá en la père, finca où on a mis en de mi place le papá, pilote. donde Sans tenemos le un laver, nous le piloto, no séchons lo et grâce à lavamos, cette lo recette, nous obtenons un procesamos, lo meilleur goût. sacamos y le Et là, damos on améliore le esta cupping, receta la un sabor dégustation. más enriquecido y mejora la taza. Y los que conocen el café natural en Colombia, es un porcentaje pequeño. Entonces, es un producto, es una innovación en el café que apenas se está dando a conocer. Digamos que es aproximadamente el 10% de los consumidores en Colombia conocen el café natural. En Colombie, Uno de seulement los un petit productos pourcentage que de gens fue connaissent le café muy naturel. interesante C'est une porque innovation récente dans le tenemos café et gente on estime que seulement en 10% des casa consommateurs que el café colombiens lavado connaissent es le café propio naturel. o que el En ce café qui es concerne les sabor producteurs, ils le trouvent très intéressant, natural. car ils obtiennent plus de points Entonces, lors du pues la cupping ou percepción del café dégustation natural que le café de es Colombie ou favorable. le café Honey, Muy pocas personas les he escuchado car decir la que no les pulpe est gusta. enlevée de façon Me naturelle. parece normal que hayan algunos que digan que no, La perception pero du en café general es naturel est très bonne. favorable. Très peu de personnes ne l'aiment pas Adicional, et en général, il est la très bien perçu. ventaja hace que los Grâce à sa productores bonne performance lors du cupping, les estén de poniendo plus en plus de cuidado producteurs s'y y intéressent et la además production mejoran su augmente chaque cosecha année. cada año. Depuis quelques années seulement, le Comité national de producteurs de café autorise l'exportation de café dit naturel. Auparavant, le café était très contrôlé par les agents de douane qui, à leur bon vouloir, autorisaient ou refusaient l'envoi du produit fini à l'international. Juan Felipe a développé son activité et, tout en fédérant autour de chez lui, exporte de petites quantités en France et en Allemagne. Il nous raconte l'histoire de cette ouverture sur le marché et sa rencontre avec Adrien Pommier, un jeune entrepreneur français tombé amoureux du café et de son mode de production. Eso es muy bueno tanto para los productores como para la industria, que haya innovación y que se comercialice el café de una manera diferente a lo tradicional. Il est Y primordial ahí qu'une telle innovation me un existe pour les poco de hablar producteurs et de la pour historia del café l'industrie, en mais Colombia. aussi El pour qu'il café soit commercialisé de tiene façon unas normas différente du café técnicas traditionnel. para C'est exportación là où y je hace voudrais aborder l'histoire du grano café en verde, Colombie, qui a d'énormes con las techniques pour l'exportation du características café vert, de en goût et sabor en aspect y de physique, qui sont aspecto celles du café físico lavé. que son del café lavado. A partir del año 2016 ya se puede exportar cafés diferentes al lavado. C'est à partir de 2016 Tradicionalmente qu'on a pu Colombia exporter des antes no cafés autres que le café traditionnel de la antes no Colombie, podía chose exportar qui n'était pas café possible avant, como car les inspecteurs de frutales douane hechos en goûtaient le café café natural. et si celui-ci avait un goût Porque en el différent, ils puerto n'autorisaient pas son exportation. los inspectores de la aduana revisan el café y si el café tenía un sabor diferente no le permitían la exportación. A partir del año 2016 se permite con un cambio en la resolución del Comité Nacional de Cafeteros y favorece la exportación de esos cafés y en pequeñas cantidades. À partir de Es allí 2016, donde grâce à empiezo une un poco a résolution du Comité investigar national des producteurs de sobre café, la on exportación de autorise café l'exportation de différents y types bueno, de y en un café momento et en petites con quantités. Adrien C'est à ce moment que je commence à m'intéresser à l'exportation du café et que je rencontre Adrien, un Français qui est venu en Colombie pour se former aux bases du café et voulait lancer son entreprise. Moi, j'ai un espace dans la ferme où j'accueille des bénévoles qui souhaitent apprendre davantage sur le café et lancer leur entreprise de distribution et de commercialisation du café dans leur communauté. C'est ainsi que je lance ce projet d'exportation. Adrien est venu sur la production, nous avons échangé pendant une vingtaine de jours, où j'ai essayé de lui transmettre toutes mes connaissances du modèle économique pour qu'à son retour en France, il puisse demander tous les documents et autorisations nécessaires pour importer du café en France et pouvoir le commercialiser sur place. Y poderlo comercializar en la comunidad. Y lo mismo que se hace allá en Francia, lo estamos haciendo acá en Colombia. Et ce qu'on fait aujourd'hui en France, on le fait maintenant ici en Colombie, dans la municipalité de Cararca, où nous vendons sur le marché. J'ai également un ami de l'université, Fabien Arias, qui vient de Medellín et qui vend du café là-bas. Il gère aujourd'hui la distribution à Medellín et dans les autres communes voisines. Ça marche très bien pour lui. Il a commencé il y a un an, en plein milieu de la pandémie, mais il s'est lancé sur l'e-commerce, la livraison à domicile et la vente en supermarché. C'est principalement sur ces trois canaux qu'il vend et ça marche très bien pour lui. C'est aussi grâce au bouche à oreille qu'il a réussi à grandir dans la ville. Y un amigo lo prueba y le hace otro referido o lo refiere con otro cliente y así ha crecido mucho en la ciudad. Hay otro chico ahora que está abriendo en Bogotá, va a abrir, va a empezar ventas en marzo y está manejando una estrategia muy similar. Il y a un autre homme à Bogota qui commencera les ventes en mars avec une stratégie similaire, avec l'e-commerce et le bouche à oreille principalement. C'est cette stratégie qui est utilisée en France mais aussi en Allemagne. J'ai un ami à Berlin qui importe des petites quantités de café des collectifs de producteurs que nous gérons. Importando pequeñas cantidades de cafés de los colectivos de productores que manejamos. El café, el café, el café. El café que estoy tomando de la tierra colombiana se madura en el Quindío y por todo el viejo Caldas. Sorbo a sorbo lo consumo, con el remojo mi alma. Y es alegre compañero de mis noches de esperanza. Su aroma de café suave ha traspasado montañas, llevando en su corazón los mensajes de mi patria. Lo conocen en Japón, en Francia y en Alemania. En New York le dicen coffee, los monos de Gringolandia. El café, el café, el café, para mí es la bandera más cariñosa y más alta que se agita entre mi pecho cuando estoy en tierra extraña. Por eso me siento alegre y orgulloso de mi raza, porque un sorbo de café tiene sangre colombiana. Su aroma de café suave ha traspasado montañas, llevando en su corazón los mensajes de mi patria. Lo conocen en Japón, en Francia y en Alemania. En New York le dicen coffee, los monos de Gringolandia. Para mí es la bandera más cariñosa y más alta que se agita entre mi pecho cuando estoy en tierra extraña. Por eso me siento alegre y orgulloso de mi raza, porque un sorbo de café, porque un sorbo de café tiene sangre colombiana. el café, el café, el café. Una noche en Latinoamérica, unidos y Torre Latino. Para Radio Campus 106.6. Après l'obtention d'un BTS en production horticole en France, Adrien souhaite découvrir d'autres modes de culture en voyageant en Amérique latine. Direction le Pérou, d'abord, où il découvre la culture du pacay. Puis il se rend ensuite en Bolivie pour y connaître son terroir. En 2018, il se retrouve en Colombie, où au hasard d'une rencontre un soir de match de football entre son pays d'origine et le pays où il se trouve, il fait la connaissance de Juan Felipe, avec qui il tisse un lien d'amitié. Il passera plusieurs semaines en immersion au milieu de la production. Frappé par la démarche de Juan Felipe, les process de transformation originaux, les difficultés du marché local, mais aussi envoûté par les saveurs du café produit, il décide de se lancer dans la grande aventure de l'exportation aux côtés du producteur. De retour en France, il lance le projet Un café pour demain pour rendre l'appareil à Juan Felipe et sa famille. Un an plus tard, les premiers paquets arrivent pour être revendus, principalement sur les marchés de la région stéphanoise, mais aussi auprès de cafés et restaurants qui souhaitent développer une démarche éco-responsable. Adrien nous raconte l'aventure d'un café pour demain. Pourquoi ce café? Tout d'abord parce qu'on est vraiment sur un café de spécialité. Aujourd'hui, c'est à presque 20% du marché en France, en tout cas dans le monde, et c'est très peu connu. Et surtout avec un processus de transformation qui est bien plus respectueux de l'environnement, avec donc une consommation en eau bien réduite, avec des procédés dits naturels de transformation ou au miel, honey, qui sont des processus de transformation qui évitent en grande partie de gaspiller de l'eau. Pour savoir, hein, pour produire un kilo de café, c'est environ 50 litres d'eau qui sont usés, pollués et gaspillés. Et là, avec ces procédés, on est quasi sur zéro utilisation d'eau. De plus, on est sur un café qui est produit donc sans produits chimiques, sans intrants chimiques depuis donc maintenant 5 ans. Et voilà, donc c'était vraiment mettre en avant une culture responsable et surtout, bah voilà, valoriser le travail des producteurs dans une démarche de commerce équitable, en tout cas de réel commerce équitable, hein, par vraiment, on va dire, de perte de confiance envers les labels, hein. Je ne les citerai pas, mais différents labels qui malheureusement s'engagent, mais ne font pas leur part du marché, en tout cas pas réellement. Donc on a voulu, voilà, lancer directement aux producteurs, donc couper tous ces intermédiaires qui s'en mettent plein les poches, et au final les producteurs ne touchaient pas grand chose. Donc nous, on s'engage à rémunérer les producteurs à leur juste valeur, donc en achetant les cafés plus chers que sur le marché local, en tout cas auprès des grossistes, afin de leur assurer un salaire décent et de communiquer au plus large public ce café de spécialité, donc bio, éco-responsable et équitable. Donc à nous de faire la part, de les aider. Donc c'est comme ça qu'un café pour demain, en communiquant et vraiment en essayant de travailler avec les producteurs locaux et de micro-lots, on essaie de mettre les choses en avant, de faire changer notre monde, on va dire, à notre façon, à notre manière, à notre échelle en tout cas. Tout ça dans notre démarche écologique, on va dire, en travaillant avec des produits bio, en tout cas respectueux de l'environnement, et pour limiter cette empreinte carbone. Le projet futur d'un café pour demain est de faire venir, donc d'importer ce café par cargo voilier, limitant au maximum l'empreinte carbone et vraiment coupant tous les intermédiaires et vraiment de faire quelque chose du producteur à la tasse, en respectant au maximum l'environnement. Un café pour demain a pour objectif de développer une activité propre grâce à sa mission zéro effet de serre et le transport du café en cargo voilier, mais aussi de reverdir la France et la Colombie. Pour chaque kilo de café vendu, la structure s'engage à planter un arbre. Enfin, Adrien et Juan Felipe cherchent à fédérer davantage les producteurs de la zone dans le but de créer une bio-coopérative. Vous pouvez retrouver le café produit par Juan Felipe Herrera González et sa structure Café Anarquista sur le site d'Un Café pour Demain, www.uncafépourdemain.com. En attendant, nous espérons que cette immersion au cœur du Eje Cafetero vous aura convaincu à goûter d'autres types de cafés, parfois méconnus, et dont la culture nécessite un travail minutieux de la part des producteurs. Retrouvez sur notre site internet quelques photos et vidéos de la production El Refugio, ainsi qu'une fiche d'explication pour une préparation idéale du café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Moliendo café, todita la noche, moliendo café, con toda la gente, moliendo café, el Sambo Manuel, moliendo café, el viejo molino, moliendo café, allá en Venezuela, moliendo café, entre la montaña, moliendo café, para la señora, moliendo café, y la señorita, moliendo café, y los caballeros, moliendo café, para todo el mundo, moliendo café. Ce nouvel opus de Una Noche en Latinoamérica a été préparé par les bénévoles de l'association Unidos en partenariat avec Torre Latino et Radio Campus Lille. À l'écriture et le pilotage, Alex Mob, traduction et doublage assurés par Paola Villalba et Quentin Suel. Merci à Juan Felipe Herrera González et Adrien Pommier pour nous avoir partagé leur passion. Vieja trova, moliendo café, está la abuelita, moliendo café, y todos sus hijos, moliendo café, toda la familia, moliendo café, para que usted lo pruebe, moliendo café, y lo saboree, moliendo café, el café más rico, moliendo café, en el mundo entero, moliendo café, aquí está Reinaldo, moliendo café, también Maracaibo, moliendo café, Crea no ha dormido, moliendo café, está trabajando, moliendo café, y monta novino, moliendo café, tendrá otro trabajo, moliendo café, con el contrabajo, moliendo café, está Ricardito, moliendo café, el menos viejito, moliendo café. Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com.